Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose, là. Bah, on va quand même pas clôturer tout le jardin, enfin. Et pourquoi pas ? Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Médecine et philosophie, c'est notre série de cette semaine. Et pour commencer, explorons les passerelles entre la figure du médecin et celle du philosophe dans l'Antiquité. Premier épisode, la philosophie est-elle un pharmacon ? Après la mort de Socrate, Socrate qui n'a pas résisté à la sentence de mort prononcée contre lui par les Athéniens en 399 avant Jésus-Christ et a avalé de lui-même la ciguë, après la mort de Socrate, donc, c'est avec une particulière acuité que se pose la question de savoir si la philosophie aide à vivre, a pour valeur suprême la vie et la vie bonne, ou bien non. Dans un de ses dialogues, le Timée, Platon, disciple de Socrate, semble faire de l'eudémonia, traduite par bonne vie, une visée pour le philosophe. Et dans un autre dialogue, le Phèdre, Platon qualifie la connaissance philosophique de pharmacon pour la mémoire et la sagesse, ce qui pourrait suggérer un remède pour la vie en général. Pourtant, le mot grec pharmacon est ambigu. Comme l'a souligné le philosophe du XXe siècle Jacques Derrida à propos de ce texte de Platon, le pharmacon désigne tout autant le poison que le remède. Les choses seraient donc bien plus complexes, la figure du philosophe pouvant évoquer un empoisonneur tout autant qu'un médecin. Par la suite, deux grandes sagesses antiques, l'épicurisme et le stoïcisme, ont prolongé l'idée d'une bonne vie à laquelle contribuerait la pratique de la philosophie. Mais alors, qu'est devenue l'ambiguïté du pharmacon ? C'est notre interrogation ce matin. Bonjour Julie Giovacchini. Bonjour. Ah, je m'en veux, je ne voulais pas écorcher tout de suite votre nom. Vous êtes philosophe Julie Giovacchini, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'épicurisme. Bonjour Frédéric Ildefonse. Bonjour. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du stoïcisme. Et bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste notamment des philosophies de la religion. L'un de vos essais s'intitule « Consolation philosophique », publié en 2020 aux éditions Payot et Rivage. Alors pour commencer, je vous propose de réfléchir au côté un peu pathétique des pseudo-philosophies de la vie qui incitent à penser positivement pour aller bien. Écoutez. On va passer voir un Nico qui a un copain, une personne sans domicile dont je m'occupe quand j'ai un moment. Et je sais qu'il... Voilà, il est là. Je peux pas faire comme si ils n'existaient pas, comme la majorité des gens. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Comment ça va ? Bah, ça va doucement. Hein. Ouais, il a pas fait trop froid, là ? Ouais, un peu, mais bon. Je me suis fait virer du parking, donc du coup... Virer du parking, donc du coup, c'est la merde. Ah, ouais, le parking où t'étais dans le 20e ? Exactement, ouais. Ok. C'est un peu la galère, mais bon, sinon ça se passe. Hein. Ouais. Tu connais les lois de l'attraction ? C'est un truc... Un petit peu, mais sans plus. C'est le truc de dire, en gros, si tu veux, plus tu penses qu'il va t'arriver des choses positives et plus il t'arrive vraiment des choses positives, tu vois. C'est vraiment un truc, il faut que tu te concentres, que tu mettes ton attention sur... Le fait que t'es sûr que ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et au bout du compte, c'est positif. Mais moi, j'en fais l'expérience. Tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, je cherchais une maison de campagne. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais la trouver. Je suis sûr que je vais trouver ma maison de campagne. Et le lendemain, j'ai trouvé une petite annonce d'un chasseur d'appart. Et je l'ai appelé et il m'a dit, mais bien sûr, je fais aussi les maisons de campagne. Et il m'a trouvé la maison de campagne. Mais ça s'est fait en 5 jours, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que moi, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est beaucoup de négativité, en fait, voilà. Ça, je l'ai dit à 20 ans. Voilà. Je suis né avec des négatifs, quoi. Oui, donc bah, ça, par exemple, ça rentre pas dans, dans mon histoire de positivité. J'ai eu un cancer de 18 mois. Un cancer de ? Un cancer de testicule à 18 mois. Ok. J'avais même pas le mien à la naissance. Et sinon, à part ça, mais ça, c'est peut-être que ta mère, elle n'était pas assez positive, tu vois. C'est peut-être Ma mère est très positive, c'est que ma mère a souffert, surtout. Bon, je vais y aller, Nico. Vas-y. À plus tard. À plus je repasserai plus tard, de toute façon. Salut, Rita. Salut, Nico. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman. Elle est terrible, cette Blanche Gardin. Elle nous fait sourire et elle nous gêne aussi un peu en même temps. C'est clair dans ce studio. C'est elle, évidemment, que vous entendiez dans La meilleure version de moi-même, une série de 2021 où un clochard, dans cette scène, vous l'avez entendu, se voit suggérer de penser positivement pour que tout aille mieux pour lui. Alors, cette injonction à être plus positive dans ses pensées, ce positive thinking, méritait bien l'humour noir de Blanche Gardin. Qu'en pensez-vous, Vincent Delecroix ? Oui, c'est féroce, mais c'est bien vu. Voilà, ça sert assez rapidement à dégonfler un certain nombre de prétentions, j'allais dire commerciales, de la philosophie d'aujourd'hui, celle qui en tout cas s'expose dans les rayons bien-être des librairies. Et puis plus largement, et peut-être plus profondément d'ailleurs, l'interrogation sur les limites de la consolation et les techniques de la consolation, et la différence entre consolation et remède, puisque aujourd'hui on parle du remède, oui. Ou de la philosophie comme remède, c'est pas la même chose, et même parfois c'est contraire à la consolation. Et parfois le remède, il est dirigé contre la consolation, contre les faux remèdes aussi. Et puis bon, l'impuissance du « ça ira mieux demain »,« pense positif », tout ça, bah c'est aussi un objet de la philosophie critique, voilà. Et je précise à nos auditeurs que Vincent Delecroix a cependant écrit un livre intitulé « Consolation philosophique ». Donc on va revenir à votre approche à vous de la consolation qui essaye d'éviter le travers qui nous fait rire et un peu grincer des dents à l'écoute de Blanche Gardin. Je voudrais demander à nos deux spécialistes des philosophies antiques qui se font un peu récupérer, je parle pas d'elles, mais des philosophies antiques qui se font récupérer un peu dans le positive thinking, le stoïcisme et l'épicurisme. C'est vrai qu'elles sont censées nous aider à mieux vivre, mais de se retrouver dans les rayons du développement personnel. Qu'est-ce que ça vous fait, Frédéric Ildefonse, hein, vous qui connaissez bien le stoïcisme ? Moi, je pense que pour le stoïcisme, et puis même pour pas mal de la philosophie antique, et avant le stoïcisme aussi, l'affaire n'est pas celle d'un développement personnel. C'est-à-dire, s'il faut prendre soin de son âme, c'est pas une affaire personnelle. Et il y a toute une panoplie de concepts là qu'il faut reconfigurer dans la philosophie antique, c'est-à-dire c'est pas du personnel, si c'est du singulier, c'est pas du moi, c'est pas exactement du sujet. Il faut être très très méfiant avec l'usage de ces concepts, et notamment avec celui de personne. Ça, c'est une chose. C'est pas l'individu, nous expliquez-vous, et vous prolongerez cette lecture avec nous ce matin. C'est pas l'individu qui est en question dans le stoïcisme, c'est l'âme et son rapport au tout. On va y revenir. À vous, le moment de colère, peut-être, Julie Giovacchini. L'épicurisme, il est peut-être encore plus suspect, parce qu'il a des vrais remèdes. Il appelle ça même le tétrapharmacos. Il y a 4 propositions. On va y revenir, qui permettent d'aller mieux, de souffrir moins, de se faire moins de fausses angoisses. C'est vrai qu'il y a cette dimension dans l'épicurisme. Néanmoins, c'est pas du positive thinking, Julie Giovacchini. Ça ne peut pas l'être, parce que le problème du positive thinking, c'est justement la positivité, c'est-à-dire nier que nous sommes malades, nous sommes profondément malades, ce qui est ce qu'elle fait d'ailleurs dans l'extrait. La philosophie ancienne, en particulier l'épicurisme et dans une moindre mesure le stoïcisme, commence par, comme toute bonne médecine, un diagnostic. Mm-hmm. Et un diagnostic de la pauvreté, la misère de la situation humaine. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'un remède qu'il y a besoin d'une philosophie qui soit un soin ou une thérapie. Donc il ne suffit pas de dire pensée positive, c'est même aux antipodes de ce que font les philosophes antiques, puisqu'ils commencent au contraire par désigner le mal. Et on ne peut pas aborder le mal de façon rationnelle si on ne commence pas par le circonscrire et par en établir, oui, un véritable diagnostic. Alors nous allons revenir au stoïcisme et à l'épicurisme, mais avant j'aimerais qu'on ait une petite discussion justement sur ce que ça veut dire consoler éventuellement pour une philosophie digne de ce nom, et puis aussi sur les philosophies, alors souvent plus modernes, qui considèrent que ce n'est absolument pas leur travail, elles n'ont pas à consoler du tout. Vincent Delcroix, ce qui est un peu complexe, je veux dire pour la position de la philosophie, c'est qu'elle peut être un peu pathétique lorsqu'elle prétend, ou si elle prétendait donner comme ça des remèdes, mais elle est aussi un peu pathétique et même un peu agaçante et condescendante lorsqu'elle méprise complètement la question de la souffrance et qu'elle dit « mais moi mon problème c'est pas de vous faire aller mieux, à la limite c'est même plutôt de vous ouvrir les yeux sur vos faux remèdes et ça m'est complètement égal que l'ouverture philosophique vous pince le cœur. Oui, c'est, vous l'avez dit, il y a un trait typiquement moderne aussi dans la dévaluation, non seulement de la consolation, mais de toutes les tentatives de guérir de la souffrance par des moyens... plus ou moins analgésique, il y a une espèce de, parfois, on le trouve chez Nietzsche par exemple, une espèce de virilisme de la lucidité, ne pleurons pas comme des femmes, ça fait partie d'une espèce de, valorisation bourgeoise de la lucidité, mais il y a cette espèce d'héroïsme, qui va à l'encontre des prétentions non seulement consolatrices mais curatives de la philosophie. Il faut regarder le mal en face et puis à la fin il faut le nier. Donc ça aussi c'est un problème, c'est-à-dire que moi je suis pas spécialiste de la philosophie ancienne, hein, mais il faudrait regarder plus précisément que je ne le fais l'idée selon laquelle il y a une réalité du mal pour la philosophie, voilà, et que elle peut prétendre à non pas consoler mais guérir en niant la réalité du mal, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette proposition? C'est-à-dire qu'il y a des fois, en tout cas en philosophie moderne, où le pendant de cet héroïsme du philosophe, c'est finalement, comme vous le dites, une non pas nécessairement un mépris, mais en tout cas une façon d'alléger le poids réel de la souffrance et du mal. Quitte à l'imputer d'ailleurs aux personnes qui en souffrent. Hein. Si tu souffres, c'est ta faute. Alors il y a un texte qui est assez intéressant, un texte moderne, d'autant plus intéressant que son auteur a posteriori s'est trouvé pas très bon dans ce texte, un peu condescendant. C'est L'avenir d'une illusion de Freud. Ce texte de 1927 où Freud s'intéresse, et pour cause, hein, au caractère consolateur de la religion. Il la compare à un narcotique, ce qui évoque d'ailleurs d'autres auteurs. L'opium du peuple, disait Marx. Et il dit, Freud écrit là, en tout cas, il faut en sortir. C'est un narcotique, un somnifère qui nous fait quand même penser des choses intellectuellement impossible à soutenir. En fait, c'est une névrose d'enfance, dit-il, il faut devenir adulte. Et il a notamment cette formule qui suggère que, bon, ça va être un peu dur de s'en débarrasser au début de la religion, mais ça va aller. Celui qui, des années durant, écrit-il, a pris un somnifère, ne peut naturellement pas dormir si on le lui retire. L'infantilisme est quand même destiné à être surmonté, n'est-ce pas ? L'honnêteté oblige à dire que lui-même s'est caractérisé comme infantile dans ce texte, dans une lettre à Sandor Ferenczi quelques mois plus tard, qui est citée par son biographe Jones. Il dit « J'ai été infantile, j'ai pas vu la profondeur de la souffrance que la religion essaye de calmer. » Mais c'est intéressant que philosophiquement, là, Freud se comporte un peu comme quoi, tiens, dites-nous, Vincent Delcroix. Il est assez injuste juste avec lui dans ce diagnostic rétrospectif, avec lui-même dans ce diagnostic rétrospectif, parce qu'il y a deux choses dans l'avenir d'une illusion. Le problème dont par Freud, c'est pas la destruction de la religion, le fait de savoir si ça va, si les consolations religieuses vont pouvoir perdurer malgré le travail de la raison, etc. Pour lui, la chose est faite, ou elle est en train de se faire et elle est inexorable. C'est-à-dire, les consolations religieuses, elles vont disparaître de toute manière, on n'y croit plus ou on n'y croit quasiment plus. C'est à peu près la même chose que le diagnostic, je sais pas, nietzschéen de la mort de Dieu, ou, bon, de toute façon, on n'y croit plus, ça ne plus que par un fil. Ce qui préoccupe Freud, c'est de savoir ce qu'on va devenir sans cette consolation. Oui. Ça préoccupe Freud et c'est le problème initial de l'avenir d'une illusion. Oui. C'est-à-dire la religion, elle nous a servi à offrir une compensation à la répression des pulsions que nécessite la vie sociale et la civilisation. Si on ôte cette compensation, qu'est-ce qui va se passer? Il dit au début, les ennemis de la civilisation vont se multiplier. C'est-à-dire, oui, ça va devenir intolérable, tout simplement. Le jeune Marx auquel vous faisiez allusion, et ce texte dans lequel on trouve la fameuse phrase « la religion est l'opium du peuple » faisait exactement le même diagnostic. C'est pour ça d'ailleurs que la locution selon laquelle la religion est l'opium du peuple est parfaitement ambivalent, beaucoup plus que ce qu'on a dit après, parce que l'opium, c'est certes ce qui endort la conscience, mais c'est ce qui soulage la douleur. C'est un analgésique. Oui. Et quand on ôte ce qui soulage la douleur, qu'est-ce qui reste? Alors oui. c'est pas un médicament, ça c'est clair. C'est pas un médicament, mais c'est quand même ce qui atténue la douleur. Et Marx y est sensible, comme Freud. Donc vous voulez dire que là où ils sont grands, ces critiques de la religion, ce sont des critiques de manière radicale de la religion, c'est quand au moins ils notent que si on fait sans la religion, on va avoir des difficultés. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Et d'ailleurs, il y a un concept de Freud, il s'en est voulu de ne pas l'avoir fait jouer aussi fortement qu'il le fera jouer après. La Hilflosigkeit, la détresse infantile, c'est elle qui est la raison de la religion pour Freud. Et c'est elle qu'il va falloir prendre en charge. Absolument. Si la détresse qui vient de l'enfance, mais qui reste marquée, qui reste en nous, la DZ, disent les traducteurs, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Absolument. Et la phrase que vous citiez, qui termine l'avenir d'une illusion, en fait, et qui... ce que s'est reproché Freud, c'était son optimisme un peu positiviste. Bon, maintenant nous avons les moyens, avec les développements de la raison et notamment la psychanalyse, nous avons les moyens de nous passer de la consolation. Bon, c'est-à-dire, nous avons les moyens de faire littéralement le deuil de la consolation. Oui. Alors que la consolation est elle-même une manière de faire un deuil sans réellement le faire. Et bien sûr, ce qu'il se reproche, c'est cette espèce d'optimisme. Pourtant, Freud n'a jamais été franchement un optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette espèce d'optimisme qu'il faudrait là aussi interroger dans la philosophie à l'égard du développement du savoir rationnel. Mmh. C'est-à-dire, la raison peut tout, elle peut... finalement, elle est non seulement un remède, mais un remède qui ne pose pas de problème. C'est là où il a péché, si on peut dire choses ainsi, dans l'avenir d'une illusion. Par rapport au problème dont il parlait, ça pose un problème. Oui. Cette conscience. Alors, je voudrais maintenant qu'il y ait cette discussion qui concerne les modernes. On a évoqué, et ce n'est pas un hasard, Nietzsche, Marx et Freud. Nos deux spécialistes de philosophie ancienne réagissent un peu. Est-ce que, justement, dans la philosophie antique, il y avait un rapport à la souffrance, à l'immensité de la souffrance, y compris pour dire, la religion, je crois que l'épicurisme le dit assez clairement, au fond n'est pas à la hauteur. Elle en rajoute encore. C'est pas ça qu'ils disent, les épicuriens. Est-ce qu'au moins, c'est au nom de la souffrance aussi qu'ils ont critiqué ce faux remède? Oui, tout à fait. La religion est une fausse amie, puisqu'elle va susciter plus d'angoisse qu'elle ne va en résoudre. Mm-hmm. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, le remède épicurien, ce n'est pas un analgésique, justement. Ce n'est pas quelque chose qui vient... soulager la souffrance, c'est quelque chose qui vient véritablement, dans l'esprit épicurien, soigner, au sens retirer ce qui fait du mal, oui, pour pouvoir mener ensuite une vie équilibrée. Donc on n'est pas dans une perspective d'analgésie, mais plutôt dans une perspective de purge. Ce qui est à mon sens, plus proche du sens grec de pharmakon, qui justement c'est une drogue en fait. C'est comme ça qu'il faut traduire pharmakon, oui. C'est-à-dire un produit actif puissant qui peut donc avoir des effets positifs ou négatifs. Mais ce n'est pas un antidouleur. Ce n'est pas quelque chose qui va empêcher de souffrir. C'est quelque chose qui va supprimer l'élément qui fait souffrir. Très bien. Qu'en dites-vous de votre côté, si j'ose dire, mais je ne veux réduire personne ici à sa spécialité, Frédéric Hildefonte, vous qui connaissez bien les stoïciens. Moi, je voudrais parler un petit peu, pas seulement des stoïciens, en fait, juste pour réagir mais oui, à la discussion. J'aime bien quand vous ouvrez par rapport à vos domaines de prédilection. Si, moi aussi. Et donc, je me demande si le point de départ pour les anciens, c'est, comme vous l'avez dit, Géraldine, l'immensité de la souffrance. Et j'ai pas l'impression. C'est-à-dire cette dimension de l'immensité de la souffrance. J'ai pas l'impression qu'elle est au départ. Elle est plutôt moderne. Je sais pas où elle commence exactement, je sais pas où elle apparaît, mais j'ai pas l'impression que ce soit leur point de départ, l'immensité de la souffrance. Non, mais je vous en prie. Deuxièmement, en vous écoutant, et toujours à partir de ce point de départ-là, de l'immensité de la souffrance, je pensais tout le temps, en vous écoutant, le rituel. Et ça va me permettre, si je peux, je vous en prie. D'adresser oui. une question aussi à Julie. C'est-à-dire que, dans votre discussion sur l'avenir d'une illusion, il n'a pas été question précisément de comment la religion consolait. Et en fait, le rituel, je trouve que c'est très important à considérer, parce que justement, c'est un des éléments par lesquels passe le mieux-être, disons, qu'apporte une religion. Et donc, il me semble qu'il faut penser à ça. Ce qu'est un rituel, ce qu'opère un rituel, ce qu'opère un rituel qui souvent ne se pratique pas seul. Et ma question à Julie, c'est que ça vient de quelque chose qui m'occupe beaucoup à présent, hein, traité de Plutarque dont nous avons parlé, mais en tout cas, Plutarque, dans ce traité, il s'en prend aux épicuriens, il y a un fameux épicurien qui s'appelle Colotès, et il dit, mais ok, vous envoyez balader l'immortalité de l'âme, vous envoyez balader la providence, mais vous gardez une pratique religieuse, vous gardez des rituels, vous gardez une piété, une sébéia. Alors quoi ? Évidemment, plus tard, qu'il peut pas supporter ça, c'est-à-dire des petits arrangements, ce qui lui paraît des petits arrangements, c'est pas tolérable. Et alors, pourquoi est-ce que les épicuriens gardent une piété? Ah, alors déjà, moi, je ne savais pas qu'ils gardaient une piété, donc c'est très grand dans un débat à la fois de spécialistes qui intéresse vraiment le grand public, je pense, oui. Alors, les épicuriens gardent tout à fait une piété, ils continuent à croire qu'il existe des dieux et qu'il est légitime de pratiquer, on va dire, la religion officielle et de témoigner les marques extérieures de cette pratique. Et je pense qu'ils le font pour des raisons politiques. C'est-à-dire que il convient de s'astreindre à un certain nombre de devoirs, qui sont des devoirs avant tout politiques, et je suis assez sensible à ce que dit ici Frédéric Hildefonte sur la collégialité de la chose, le fait que justement on est aux antipodes d'une pratique de développement personnel, on ne pratique pas une religion pour soi, pour créer une relation d'individu à individu, avec une divinité, mais ça nous inscrit dans une communauté. Et en ce sens, justement, ça ne peut pas être un pharmakon pour les épicuriens, c'est-à-dire que ça ne peut pas jouer sur un plan existentiel ou ça ne peut pas résoudre un trouble personnel, ça ne peut pas résoudre une angoisse subjective, ça n'est pas là pour ça, en fait. Mais si je comprends bien, les dieux, pour eux, sont trop loin pour pouvoir nous troubler, donc, de ce point de vue-là, les dieux existent, mais on ne peut pas dire qu'il y ait besoin de manière pieuse, d'essayer de leur parler ou les amadouer comme font tous les gens qu'ils critiquent. Mais alors pourquoi ils continuent par pure hypocrisie et pour la paix sociale, disons, de pratiquer sociale. Parce que ça se fait et aussi parce que les dieux, en tant que individus immortels, incorruptibles, bienheureux, méritent en quelque sorte qu'on leur rende un hommage. Mais ça n'est pas une affaire de relation singulière. Vincent Delecroix, Oui, c'est passionnant. En fait, ça indique deux choses. Ça indique qu'il y a deux conceptions radicalement opposées de la religion. C'est-à-dire la religion des Grecs, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous, à partir du christianisme ou à partir du judéo-christianisme, nous avons entendu par religion. C'est une pratique sociale, c'est une pratique politique, c'est une pratique qui est absolument indissociable du rituel, par exemple. Chez les Grecs, oui. Chez les Grecs, et qui n'a rien à voir avec des affaires de croyance, par exemple. Très très très peu. Donc c'est l'affaire des poètes, c'est l'affaire de la théologie civile. Donc c'est une conception complètement différente de la religion. Pour ce qui est des modernes, justement, ils ont affaire, pour ce qui est de Freud, par exemple, ils ont affaire à une religion qui est une affaire de croyance. C'est pour ça que Freud peut dire ce qui apporte de la consolation dans la religion, c'est l'image du père, à la fois parfaitement ambivalente, c'est celui qui punit, c'est celui qui protège, et qui est donc en lien avec une régression infantile ou une persistance dans l'enfance. Mais ce que disait Frédéric est tout à fait judicieux, c'est que Freud attache réellement une importance considérable au rituel, considérable. Et même, d'une certaine manière, son incursion dans le phénomène religieux a commencé par là. Ce sont les actes compulsifs. C'est-à-dire précisément le fait qu'on répète rituellement un certain nombre de choses dont il estime qu'ils sont totalement déconnectés, décorrélés d'une réalité. C'est le névrotique qui se lave sans arrêt les mains. C'est celui qui répète des actes. Et dans la religion, il y a assurément, c'est pour ça qu'il parle de névrose obsessionnelle, hein, dans la religion, il y a assurément quelque chose comme un blocage rituel de la civilisation. Pas des individus, assurément, mais de la civilisation. On répète, on répète, on répète, parce que ça bloque. Voilà. Et le pharmacon, je sais pas, le remède psychanalytique, vise au-delà de l'individu, encore une fois. Si on se fait médecin de la civilisation, pour utiliser un terme qui est plutôt nietzschéen que freudien, le remède psychanalytique signifie que il faut dépasser ce blocage qui est à la fois rituel et représentationnel. Et pas seulement par la raison, c'est là où Freud a fait l'illusion, met beaucoup de choses dans la raison. Plus tard, il considérera encore qu'il faut dépasser la solution religieuse, mais c'est plus complexe. Il y a une économie pulsionnelle qui pourrait le permettre, mais c'est pas seulement une histoire de raison. Bon, je suis contente de ce moment où vous avez pu parler de chacun de votre point de vue du problème de fond que nous traitons ce matin, qui est la philosophie est-elle un remède, est-elle un pharmacon, et maintenant nous allons rentrer justement dans la polysémie de ce mot, l'ambiguïté de ce mot, qui ne veut pas dire seulement remède, mais pour y arriver, pour réfléchir notamment dans la philosophie antique à ce que peut vouloir dire la philosophie comme pharmacon, je crois qu'il faut repartir de Platon et du moment dans l'Eutymée où il dit, et au fond, tout le monde dira cela à sa manière, vous me contredirez si je me trompe, il dit que l'enjeu pour la philosophie, c'est quand même quelque chose comme le démonia, le démonie, la vie bonne. On écoute ce passage du Timée. En ce qui concerne la sorte d'âme qui est en nous, la principale, il faut s'en faire l'idée que voici. C'est qu'elle est un démon que Dieu a donné à chacun de nous. Elle est ce principe dont nous disons qu'il habite en nous au sommet du corps et que vers le ciel, où réside l'élément de même nature au-dessus de la terre, il nous élève. Car nous sommes une plante, non point terrestre, mais céleste. Et nous avons bien raison de le dire. C'est là-haut, en effet, d'où est venue notre âme à sa première naissance, que ce principe divin accroche nos têtes, qui est comme notre racine pour dresser tout notre corps. Certes, celui qui s'est adonné aux appétits ou aux ambitions et qui leur donne un grand développement par l'effort, celui-là, toutes ses pensées sont devenues mortelles, et absolument à tous égards, dans toute la mesure où il est possible de se rendre mortel, il n'y manque pas. Mais celui qui a mis son zèle à la connaissance et aux pensées vraies, et qui a exercé principalement en lui ses activités, il a des pensées immortelles et divines chaque fois qu'il a contact avec la vérité. C'est là un résultat pleinement nécessaire. Et dans la mesure où il est possible à la nature humaine de participer à l'immortalité, il n'y manque pour aucune part. Et comme il prend soin sans cesse de son divin principe et qu'il entretient dans une forme parfaite le démon qui habite en lui, il est dans une remarquable démonie. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le philosophe, donc, semblons-nous lire chez Platon, qui a en lui un démon singulier et qui participe à ou de l'immortalité, tout ça il faudrait nous l'expliquer, est dans une remarquable eudémonie, c'est-à-dire dans quelque chose comme une bonne vie. Frédéric Ildefonse, nous avons besoin de vos lumières. Ce texte n'est pas très facile à comprendre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Alors, la première chose par rapport à ce que vous disiez, Géraldine, c'est qu'en effet, je renoue un petit peu avec mon affaire de que le point de départ n'est pas l'immensité de la souffrance. Il y a une interrogation lancinante, je trouve, dans l'Antiquité, qui comment faut-il vivre ? Et c'est une phrase de Gorgias, pos bioteon, comment faut-il vivre ? Et il y a diverses possibilités. En effet, ce texte du Timée nous parle. Enfin, alors voilà, le lien se fait là, on le voit, à l'immortalité, au rapport entre mortel et immortel. Et j'ai l'impression que plus qu'une affaire de consolation par rapport à une souffrance initiale, il y a quelque chose de très, très, très important dans la philosophie antique, enfin dans une grande part de la philosophie antique, c'est l'idée de viser à devenir meilleur. C'est-à-dire qu'on est pris dans une normativité et on cherche à devenir meilleur. Chercher à devenir meilleur, c'est chercher à faire dominer la partie immortelle qui est en nous. Cette partie, cette part, dirons-nous même, parce que d'une certaine manière, partie, je trouve, c'est réparti, c'est tout est en ordre et il n'y a pas trop d'hétérogénéité. Oui. Il y a une part divine en nous. Dans ce texte, Platon l'appelle un daimon, c'est-à-dire il y a en nous une réelle divinité, une part immortel. Donc démon, ça veut dire divinité. Et eudémonie, ça veut dire quoi ? Bonheur. Mais c'est le même racine, oui, démon. On entend le petit avec, démon. Bien sûr, il joue avec. D'accord. C'est-à-dire, eudaimon, ça veut dire heureux. Oui. Eudaimonia, bonheur. Et évidemment, là, il joue avec l'idée que dans eudaimon ou eudaimonia, il y a daimon. Et que donc, là, le bonheur va dépendre de la manière dont l'être humain va se comporter à l'égard de cette part divine qui est en lui. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est peut-être plus facile de vivre, c'est peut-être plus facile de s'orienter vers une vie heureuse quand on sait qu'on a en soi une part divine. Cette part divine, ce qui est intéressant chez Platon, c'est que elle est en nous comme un hôte dont nous devons prendre soin. Et il y a le verbe dans le texte « thérapeo » qui veut dire « soigner » et qui veut dire aussi « prendre soin ». Et c'est un verbe qui sert pour le rituel et c'est un verbe qui sert pour la médecine. Là, bien sûr, il s'agit bien plutôt de prendre soin. Et je me disais, par rapport à le souci de soi, le développement de soi, toutes ces formules réflexives, qu'est-ce que c'est ce soi ? Et je dis souvent, il ne va pas de soi. Oui. Et en fait, je me disais, peut-être que c'est plus facile d'aller justement vers l'immortalité quand on sait qu'on a une part mortelle, et c'est peut-être plus facile d'aller vers le bonheur quand on sait qu'on n'a pas à s'occuper de soi, mais quand on a à s'occuper en soi d'une part divine. Alors, bon, là, moi, je trouve que vous expliquez très clairement. Et maintenant, j'ai une question. Il y a un autre passage assez célèbre du Phèdre de Platon. Alors, le Phèdre, c'est un dialogue très, très tardif. Beaucoup disent qu'il est un peu particulier. Bon, où Platon semble dire, je ne sais d'ailleurs pas bien dans la bouche de qui il le met, puisque c'est un dialogue, vous nous éclairerez, Frédéric Ildefonse, il dit que la mathéma, donc c'est la connaissance, on peut imaginer que c'est la philo, est capable, vous parliez de thérapie, est capable d'être un remède, un pharmacon, si c'est la seule traduction du mot, pour la mémoire, mnémée, l'instruction, Sophia. Est-ce qu'il veut dire aussi que c'est la voie pour le démonie, pour le démonia, pour le bonheur que vous venez d'expliquer? Alors, l'affaire du pharmacon, là, je pense qu'on est dans le mythe de Teute. On est dans le mythe de Teute, oui. Et bon, c'est quoi ce mythe? Un tout petit peu, qu'on comprenne. Non, mais je veux dire, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu, justement? L'enjeu, c'est le statut de l'écriture. D'accord. L'enjeu, c'est le statut de l'écriture, et est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne pour le savoir? Et donc, Teute arrive et présente son écriture comme l'invention d'un remède à l'oubli. Et Teute, il représente Platon ou un personnage opposé à Platon? C'était ça ma question. Non, l'idée, c'est que, comment dire, les mythes de Platon sont toujours très, très, très, très compliqués, mais c'est plutôt dans la réponse du roi qu'il faut voir, à mon sens, la position platonicienne. C'est-à-dire que l'écriture semble un remède pour l'oubli, mais en fait, ce qui est rétorqué, c'est que, au contraire, elle va empêcher la parole vivante, elle n'est pas capable de rendre compte d'elle-même, et en fait, ce qui va se trouver, au lieu de soigner l'oubli, elle va le produire, et elle va écarter de la réflexion vivante de la philosophie. Donc bon. c'est une critique de l'écriture. C'est une critique de l'écriture au nom de la vraie philosophie. Alors, écoutons ce texte célèbre de Jacques Derrida, écrit en 1968, publié en plusieurs livraisons dans la revue Telle Quelle, où il dit « Attention, attention, pharmacon a au moins deux sens, celui de remède, mais aussi celui de poison. » On l'écoute. La traduction courante de pharmacon par remède, drogue bienfaisante, n'est certes pas inexacte. Néanmoins, cette traduction par remède efface, par la sortie hors de la langue grecque, l'autre pôle réservé dans le mot pharmacon. Elle annule la ressource d'ambiguïté et rend plus difficile, sinon impossible, l'intelligence du contexte. À la différence de drogue et même de médecine, remède dit la rationalité transparente de la science, de la technique et de la causalité thérapeutique, excluant ainsi du texte l'appel à la vertu magique d'une force dont on maîtrise mal les effets, d'une dynamisme toujours surprenante, pour qui la voudrait manier en maître et sujet. Or, Platon tient à présenter l'écriture comme une puissance occulte et par conséquent suspecte. Comme la peinture, à laquelle il la comparera plus loin, et comme le trompe-l'œil, et comme les techniques de la mimésis en général. On sait aussi sa méfiance à l'égard de la mantique, des magiciens, des ensorceleurs, des maîtres d'envoûtement. Dans les lois en particulier, il leur réserve des châtiments terribles. Il recommande de les exclure de l'espace social, de les en expulser ou retrancher, même les deux à la fois par la prison, où ils ne recevront plus la visite des hommes libres, mais seulement de l'esclave qui leur apportera la nourriture, puis par la privation de sépulture. Donc là, moi, j'ai besoin de votre aide, les spécialistes, parce que il me semblait, dans les explications de Frédéric Ildefonse, que Platon disait « L'écriture peut être un poison, mais la philosophie, dans son oralité, est une bonne chose bien meilleure, et elle est le remède. » Or, dans la lecture de Derrida, tout est à la fois poison et remède, me semble-t-il. C'est ça qu'il veut rappeler. Donc même la philosophie est comme l'écriture et poison et remède. Ou y a-t-il quelque chose que j'ai manqué dans ce texte, Frédéric Ildefonse? Là, je ne comprends pas très bien par rapport à ce que vous m'avez dit. Non, le texte de Derrida est très complexe et il met à juste titre le doigt sur ce mot pharmacon qui veut dire à la fois remède et poison. Et en fait, c'est un des mots, vous savez, comme un de ces mots comme ceux dont parle Freud, c'est-à-dire qui ont des sens contraires. Et ce que dit Derrida, c'est que quand on traduit remède, on rate quelque chose de ce qu'il appelle l'écriture anagrammatique dans son texte, c'est-à-dire quelque chose qui justement fait miroiter le double sens du mot. Bon, donc la philosophie elle-même, peut-être parce qu'elle a une part d'écriture, je ne sais pas, je vous pose la question, alors, est aussi poison et remède. Là, dans le texte de Platon met en garde contre une confiance abusive qu'on mettrait dans l'écriture et qui ferait qu'on ne développerait plus une réflexion vivante. Ça, c'est la lecture qu'on peut retenir, en notant notamment que, je crois que je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, l'écriture ne peut pas se défendre elle-même. Platon dit elle a besoin de son père. Mmh. Et donc... Non, mais c'est bon. On finissait, puis on va faire réagir à ce problème assez complexe, nos deux autres... Voilà, donc il y a cette critique de l'écriture au profit d'une parole dialectique vivante. Le texte de Derrida est plus complexe encore, oui, au sens où il met en évidence qu'il y a d'autres textes platoniciens où en fait c'est beaucoup moins clair que ça sur la question de l'écriture. C'est pour ça que c'est très intéressant et très historique, sa lecture d'accord du mythe. Alors, ça veut dire que lorsque la philosophie est seulement orale et vivante, elle en a fini, Julie Giovacchini, avec sa part de poison ? Ce n'est pas exactement ça, je crois. Ah. Je voudrais revenir 30 secondes au texte du Timée, parce que vous aurez bien vu que dans ce texte, en fait, il n'est bien question de thérapie, mais il n'est pas question de pharmacone. Dans ce texte, vous avez une allusion transparente à l'autre versant de la médecine antique, qui est la diététique. C'est-à-dire que pour atteindre le daimonia, ce qu'il faut, c'est s'exercer. C'est entraîner son corps et son esprit pour arriver à un état d'équilibre et l'entraîner par la gymnastique et par le régime. Là, ce que les médecines antiques appellent la diététique, c'est la science du bon régime. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une bonne façon de vivre qui passe par cette ascèse, en fait, qui passe par cet exercice et cet entraînement. Et cette bonne façon de vivre n'a rien à voir avec une quelconque pharmacopée. D'accord, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on a quelque chose qui serait comme un remède, une pilule, un médicament, que sais-je, qui viendrait vous donner la bonne façon de vivre. Mm-hmm. En fait, ce sont deux perspectives très différentes, la perspective de la diététique et la perspective de la pharmacologie. Et l'ambiguïté que Derrida souligne, c'est une ambiguïté qui a trait à la pharmacologie, qui est une autre branche de la médecine dans l'Antiquité, et qui justement travaille avec des substances qui sont des substances imprévisibles, qui sont des substances dangereuses. C'est une science, hein, la pharmacologie, pour les anciens, c'est une science complexe qui demande de maîtriser des dosages, des équilibres des matières, des puissances qui sont plus ou moins cachées dans les choses, et qui a effectivement, dans une certaine mesure, trait aussi au rituel. Oui. Il y a un ordre dans la préparation des recettes. On fait pas ça n'importe quand, on fait pas ça n'importe comment. Et ça n'est pas du tout la même chose que la gymnastique à laquelle Platon nous invite dans le Timée. Donc par rapport à cette question donc, du pharmacone... Donc il faut lâcher l'histoire de l'eudémonie. Mais alors parlons voilà du pharmacone. On est d'accord qu'il dit pharmacone, Platon, dans le Phèdre. Et que Derrida nous dise, la philosophie qui est visée là, si elle est un pharmacone, elle est aussi bien poison que remède. Or moi j'avais cru comprendre que le problème, c'est l'écriture. Si la philosophie est orale, n'est-elle alors que remède ? Si la philosophie est orale, cela veut dire que justement, elle n'est plus remède au sens quelque chose d'extérieur qui viendrait calmer ou résoudre un problème. Mais si la philosophie est orale, ça veut dire qu'elle participe de cet entraînement général du corps. Et de cet exercice que, par exemple, les épicuriens pratiquent volontiers. Qu'est-ce que vous en pensez, y compris de très difficiles textes de Derrida, Vincent Delecroix ? Ouais, c'est un texte très important en philosophie contemporaine. Hein, et c'est vraiment un tournant. Et comme Frédéric et Julie le rappelaient, l'objet, c'est l'écriture. Et à cette époque-là, en 1968, c'est ça qui intéresse Derrida. C'est-à-dire l'idée qu'il reprend justement de la critique de Platon dans le mythe de Teute, que l'écriture est sans père. Et c'est ce que dit Platon. Hein, le texte est coupé de ses racines. C'est pas simplement que le passage de l'oral à l'écrit, on perd la parole vivante, mais c'est qu'on perd aussi la responsabilité du discours. Autrement dit, l'écriture se dissémine. elle se ramifie et elle s'autonomise d'une certaine manière. Elle capte le sens, elle le diffuse et elle n'est plus maîtrisée. Et c'est ce qu'il indique là dans le texte qu'on a entendu. La méfiance de Platon, c'est la méfiance à l'égard d'une capacité de l'écriture à se développer par elle-même, incontrôlable. C'est pour ça qu'il la rapproche de la mantique, c'est pour ça qu'il la rapproche de l'ensorcellement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, là, oui, qui est immaîtrisable par... Et qui est dangereuse. Et qui est dangereuse. D'accord. Et il y a une deuxième chose, et je pense que c'est... on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a une deuxième chose qui est très importante à partir de ce texte-là, celui de Derrida, concernant l'ambivalence du pharmacon, c'est que certes, c'est à la fois poison et remède, mais ce qu'il faut comprendre, et là, il y a des développements dans la philosophie contemporaine, je pense à Roberto Esposito, par exemple, dans Immunitas, il y a des développements à comprendre sur la manière dont on utilise le poison comme remède. C'est-à-dire qu'on injecte la maladie, on injecte pour produire des anticorps. Mitridatisation, pour rester un peu dans une référence antique. Exactement. Mm-hmm. Et dont Roberto Esposito, par exemple, il pense le problème de la politique aussi comme ça. C'est-à-dire l'idée selon laquelle une dose de poison sert à consolider l'organisme. Bon. Donc c'est plus seulement la méfiance à l'égard du caractère ambivalent du pharmacone. C'est dire il de fonctionne et d'une certaine manière on ne produit la santé ou l'immunité qu'en injectant du poison. Il ne fonctionne d'accord que parce que... Le principe du vaccin aussi, voilà, éventuellement, qui est effectivement troublant, enfin, je veux dire, mais... Nous nous empoisonnons pour pouvoir... Alors, vivre. Du coup, c'est quand même au-delà du problème de l'écriture. L'écriture a quelque chose de démonique, pourrait-on dire, d'un peu dangereux. Elle sort des intentions, elle vit sa vie, et c'est un peu ce que veut dire Derrida. Si la philosophie s'écrit, elle devient relativement incontrôlable, on ne pourra plus défendre le texte de manière toujours aussi vivante. Mais au-delà de ça, la philosophie, même orale, est ce poison-remède. Si elle est pharmacone... Est-ce que et vous êtes quand même particulièrement les épicuriens, vous qui travaillez sur ces philosophies anciennes, ils revendiquent le mot pharmacon, le tétrapharmacon des épicuriens, c'est quand même quatre remèdes. Est-ce qu'ils se souviennent quatre remèdes? Les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'a pas à nous inquiéter, le bonheur est accessible, la souffrance est supportable, sinon on mourra et on ne la sentira plus, etc. Ce sont des modes de pensée. Est-ce que et on pourrait dire la même chose chez les stoïciens, il y a quand même des manières de réfléchir. Ces manières se pensent-elles comme à la fois des poisons et des remèdes, comme des petits poisons qui vont finir par produire du remède? Est-ce qu'il y a de l'ambivalence? Alors, je commence par les stoïciens et puis on arrive aux épicuriens après. À mon avis, chez les stoïciens, il n'y en a pas d'ambivalence, pas du tout. Ah, mais ils ne reprennent pas le pharmacone? Non, pas cet aspect, non. C'est-à-dire qu'il y ait un rapport à la maladie ou un rapport à l'idée de extirper les passions. Il y a une théorie des passions qui fait que dans la passion, toute l'âme est contaminée par la passion. Ce qui rend le problème de traiter assez délicat, parce que vous faites comment? C'est-à-dire, quelle est la prise? Donc, il y a ce modèle, une contamination de l'âme dans les passions, par la passion. Oui. Mais il n'y a pas du tout l'idée... Il n'y a pas du tout d'ambivalence dans le remède. Donc l'histoire du pharmacon ne concerne pas à mon les avis, stoïciens. Non. Pas pour les stoïciens. Il y a l'idée d'une avis, démarche qui peut certes rendre plus heureux, mais c'est peut-être pas non plus l'enjeu premier. C'est marrant parce que tout à l'heure, Vincent parlait d'héroïsme. Oui. Et je me disais, chez les stoïciens, c'est de l'athlétisme. C'est-à-dire que il faut s'exercer par rapport à ses représentations. Il faut examiner chacune des représentations, il ne faut pas donner son assentiment à l'emporte-pièce, il faut pas se considérer indépendant. Oui. Mais à mon avis, il n'y a pas d'ambivalence. Il n'y a pas l'ambivalence du pharmacone. Oui. Alors par contre, le mot pharmacone est bien repris par les épicuriens, quatre morceaux qui font un grand remède. Est-ce qu'il y a l'idée du poison? Alors très exactement. Julie Giovacchini. La tétrapharmacos, c'est un remède. C'est un remède complet fait de quatre ingrédients. Les épicuriens n'inventent pas le mot, c'est une préparation qui existe, on en a plusieurs états de la recette, on en a une en particulier chez Galien, et c'est un remède qui a une particularité, c'est un emplâtre suppuratif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pose sur des plaies infectées pour faire sortir le pus. c'est pas très ragoûtant, mais l'idée c'est qu'il faut vraiment se débarrasser de quelque chose qui infecte. Oui. Donc c'est un remède violent. L'image que vous avez, qui est très connue dans le corpus épicurien, c'est ce que vous avez chez Lucrèce, le miel et l'absinthe. C'est-à-dire que ce n'est pas un poison au sens où ça peut vous rendre malade ou ça peut être dangereux, mais c'est quelque chose de difficile à supporter et de désagréable. Alors les remèdes qui sont des pensées, les dieux ne sont pas à craindre, la souffrance n'est pas illimitée, donc elle est supportable. Un certain nombre, ce sont même des dogmes. On peut dire les quatre dogmes correspondent à quatre remèdes. Vous me direz quatre ingrédients. Quatre ingrédients que dans l'Antiquité on utilisait, et donc Galien dit, le tétrapharmacos se compose de cire, de résine, de suif et de mélasse, un dénommé Aulus Cornelius Celsus, on parle aussi des emplâtres suppuratifs, c'est ce que vous venez de dire. Donc en fait, il y aurait un équivalent pour l'âme de quatre substances utilisées pour les emplâtres suppuratifs, pour faire crever les abcès. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre dogmes qui, combinés et retenus ensemble et remémorés, vont permettre de se débarrasser d'opinions parasites qui empoisonnent et qui donc vont créer du trouble. La peur que les dieux s'occupent de nous, la peur que la mort soit quelque chose, oui. la peur de la souffrance et son corollaire qui est le refus de considérer que le souverain bien est le plaisir. Donc c'est uniquement positif, c'est remède, remède et remède et pas poison. C'est tout à fait positif, mais c'est mauvais. Comme l'absinthe, c'est mauvais, ça a mauvais goût. Et ça fait mal, comme je présume, comme quand les abcès sont percés. C'est-à-dire qu'il y a un moment douloureux dans l'entrée dans la philosophie, on va dire. Pour les Donc ils ont gardé quelque chose de l'ambivalence du mot pharmacon ou pharmacos Je me méfie un peu du vocabulaire ici, parce que justement, pour un grec, la tétrapharmacos, c'est pas la même chose qu'un pharmacon. C'est quelque chose de bien identifié et dont on sait que ça va pas vous tuer. Hein. Et pourquoi quatre? Parce que on équilibre le mélange comme ça. Après, il y a des recherches là-dessus. On va considérer que 4, c'est un petit peu le mélange idéal, c'est ce qui est parfaitement équilibré, sachant qu'il y en a plusieurs recettes. Hein, c'est pas toujours les 4 mêmes ingrédients. Certains pensent que ça aurait peut-être un rapport avec la croyance hippocratique, selon laquelle on est le mélange est plus ou moins équilibré de 4 fluides ou de 4 humeurs. Il y a peut-être un rapport avec les quatre éléments aussi. Il y a probablement une connotation symbolique dans ce choix de quatre. On va revenir à ces questions, puisqu'on va parler d'Hippocrate demain et de Galien en détail. Vous allez avoir le dernier mot, Vincent Delecroix, quand même. Le pharmacos ou le tétrapharmacos des épicuriens, comme d'ailleurs les modes de pensée vers lesquels nous devons nous diriger dans le stoïcisme, ne répète pas l'ambivalence que note Derrida. Ce sont plutôt des remèdes et pas vraiment des poisons remèdes. Non, effectivement. Et bon, on l'a suffisamment souligné. Derrida, il s'intéresse à la question de l'écriture en relisant le Phèdre. Et puis, bon, il y a l'autre question dont je parlais, qui est celle de la constitution de l'immunité, qui peut avoir une importance considérable en philosophie politique. Mais il y a une dernière chose quand même. C'est le caractère, et là il faudrait revenir à Socrate, mais pas au Phèdre, plutôt au Phédon. Et là il y a toute une longue tradition, c'est que le meilleur moyen de guérir quand même, c'est de mourir. Et je pensais à ça évidemment avec le texte du Timée. Bon, bah, participer à l'immortalité, au bout d'un moment, bah, la bonne cure, c'est la mort. Qu'est-ce qui te fait nager ? Plein de choses nous rendent heureux, croit-on, mais en vérité, cette énergie est un peu vaine. C'est juste une illusion, chanson de Jean-Louis Aubert de 1987. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il nous parle de la Deuxième Guerre mondiale. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi revient-on à l'ère des tyrannies ? On sait bien dans l'abstrait que la philosophie et l'histoire, les idées et les événements se conjuguent pour les grands changements historiques et en particulier pour des grands changements politiques. Ainsi, par exemple, on sait bien qu'une guerre est un facteur transformant de l'histoire. Comment les guerres ne le seraient-elles pas ? Mais c'est toujours le cocktail détonnant d'un événement majeur comme une guerre avec ce que cela implique comme transformation majeure qui délimite toujours un avant et un après, surtout quand il s'agit d'une guerre mondiale ou à résonance mondiale, le cocktail de cet événement historique avec l'histoire des idées, avec l'histoire de la philosophie qui produit les grands basculements et qui produisit par exemple dans l'entre-deux-guerres en Europe et en particulier dans les années 30 ce que le philosophe devenu historien Élie Halévy appela l'ère des tyrannies dans une conférence historique faite à la Société française de philosophie le 28 novembre 1936, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, on a tendance rétrospectivement, notamment avec les commentaires de Raymond Aron, qui s'inspira fortement de cette conférence capitale, ou de Pierre Asner et de nombreux autres, on a tendance à interpréter cette conférence rétrospectivement, surtout à l'aune du nazisme. Mais lisons ce que dit Élie Halévy. « L'ère des tyrannies, dit-il, date du mois d'août 1914, en d'autres termes, du moment où les nations belligérantes adoptèrent un régime qu'il cherche à décrire un régime au fond de guerre, un régime étatique dans l'économie et, d'un point de vue intellectuel, une économie et une pensée de guerre. Voilà ce que la Première Guerre mondiale a produit, amenant aussi Élie Halévy, qu'il était déjà devenu en partie autour du tournant de 1900, l'amenant à passer de la philosophie, il était même platonicien, de la philosophie théorique à non seulement la philosophie politique, mais l'histoire des idées, l'histoire tout court. En effet, pour lui, la tyrannie telle qu'elle se développe dans les deux grands totalitarismes de l'entre-deux-guerres, le totalitarisme du communisme soviétique et le totalitarisme qui se développe en Italie et en Allemagne, le fascisme et le nazisme, ce totalitarisme est toujours un cocktail qui n'a rien de fatal, qui ne dérive jamais seulement d'une doctrine, mais aussi des événements. Et en particulier, c'est la guerre, avec son obligation de centralisation étatique et politique, de totalisation, pour ainsi dire, militaire qui amène un durcissement des doctrines nationalistes d'un côté et des doctrines socialistes de l'autre. Pour lui, le marxisme en particulier n'est pas fatalement totalitaire, mais il le devint à cause de la guerre, à cause du durcissement et de la révolution qui a lieu en pleine guerre dans ce qui allait devenir l'Union soviétique. Ainsi, c'est ce cocktail dont il faut toujours se méfier, c'est ce cocktail d'une guerre terrible comme nous en connaissons de nouveau aujourd'hui et de doctrine qui n'y résiste pas suffisamment, qui ne préserve pas suffisamment la démocratie et la justice à l'épreuve de la guerre. Nous retrouvons aujourd'hui les risques de ce cocktail avec des doctrines qui peuvent déraper, des événements qui sont terribles et qui marquent déjà l'histoire et peuvent faire revenir des conflits inexpiables. Il faut donc y résister deux fois, par la recherche de la paix, mais aussi par le maintien des théories de la justice. Merci Frédéric Ildefond, Julie Giovacchini et Vincent Delecroix pour vos éclairages de ce matin sur l'idée du pharmacon. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Yad Kira avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.